le 6-9 de l'été sur France Inter. À 6h48, Magic Elvis, Elvis Presley, mort il y a tout juste 40 ans, le 16 août 1977. Philippe Robin, sur les traces d'Elvis Presley à Memphis, une série qu'il a réalisée il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, Graceland, la maison de Presley, était et est toujours d'ailleurs un lieu de procession quasi religieuse. La grande majorité des gens qui viennent à Memphis, au bord du Mississippi, dans ce qui est déjà le sud des États-Unis, le font avant tout pour visiter la maison d'Elvis Presley. Tout le monde veut la voir, même les grandes stars. D'ailleurs, Patsy Anderson a eu pendant des années pour mission de les accueillir. C'est assez intéressant de les observer, car ils se comportent vraiment en fans d'Elvis Presley. C'est assez étonnant. On a eu Tom Hanks, U2, Aerosmith, les plus grands acteurs et les plus grands chanteurs. Les stars de Broadway sont tous venus à Graceland pour voir où Elvis vivait. Des présidents sont venus aussi, Jimmy Carter. Récemment, George Bush a fait visiter la maison au premier ministre japonais. Nous avons eu une réunion de diplomates russes à Memphis. Et la première chose qu'ils ont voulu faire avant même de travailler, c'était voir la maison d'Elvis. C'est vrai que les émotions sont fortes quand on est dans cette maison. En visitant les pièces les unes après les autres, on imagine Elvis, sa femme Priscilla, sa fille Lisa Marie, sa famille, ses copains aussi, omniprésents. Des sentiments partagés par un homme de spectacle bien connu en Suisse et qui ne se laisse pourtant pas facilement impressionner, Alain Morisot. Quand vous regardez le décor rétroactivement, effectivement, il y a tout un côté très kitsch, mais pour l'époque, qui était hyper dans le coup. Il y avait le piano sur lequel il devait certainement jouer de temps en temps avec ses musiciens. Il y a des endroits où on ne peut pas aller, mais il y a d'autres endroits, par exemple la salle à manger et tout. On peut imaginer ce qui pouvait se passer là. Le petit jardin derrière où il y a la tombe de sa mère, de son frère et la sienne. Quand vous avez été bercé par la musique de King, se retrouver dans ses meubles, dans ses marques à lui, je trouve que c'est très émouvant. Et si vous allez une fois aux États-Unis, je dis à tout le monde, n'hésitez pas à y aller parce que c'est un petit peu magique. La visite de la maison d'Elvis Presley aura bien entendu quelque chose de particulier. Ce soir-là, des dizaines de milliers de fans vont se regrouper sur le boulevard Elvis Presley, qui sera fermé à la circulation. Et dans une lente procession, ils entreront dans le domaine d'Elvis par le célèbre portail, une bougie à la main. Jacques Delessert, qui a déjà fait ce parcours plusieurs fois, nous raconte la suite. Vous allumez votre bougie à la porte sur une torche et vous montez gentiment. Vous entendez la musique gospel dans ce jardin qui est éclairé par des spots. C'est très, très émouvant. Il y a des centaines de couronnes du monde entier et vous avez 30 secondes pour vous recueillir devant la tombe. Et puis vous redescendez sans un mot. Donc vous croisez des gens de regard. C'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est beaucoup de respect. Ce soir-là, le roi du rock laissera la place au chanteur de gospel, un style qu'il a toujours aimé et qu'il chantait avec passion. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I wanna stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. God knows that Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about your men of Saul. There's no like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them around, the Joshua cry, cause the battle I'm in my hand. God knows when Joshua fit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the king of Saul. There's none battle of Joshua and the battle of Jericho. They tell my great God that Joshua's spear was well nigh 12 feet long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Yet bold and brave he stood, salvation in his hand. Oh, blow them around, the Joshua cried, 'cause the devil can't do you no harm. Got no then Joshua fit to battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit to battle around Jericho, and the walls come tumbling down. Then up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Oh, blow them around, the Joshua cried, 'cause the battle I'm in my hand. Then the lamb round sheep horns began to blow, the trumpets began to sound. Old Joshua shouted glory, and the walls come tumbling down. The God knows, and Joshua fit to battle on Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit to battle on Jericho, and the walls came tumbling down, down, down, down, down, tumbling down. Elvis Presley, 16 août 1977, 16 août 2017, 40 ans, il est parti il y a 40 ans tout juste. Mais c'est bien, avec les artistes, il n'y a jamais de vrai départ, il reste les CD, les chansons. Moi, quand ça ne va pas, je me mets un bon Presley. Et au bout de quelques minutes, je me sens mieux.